Tant pis si ça ne sert à rien. Et tant pis si tout meurt en poussière redevient. Si c'est ça qui fait que tous les rêves ont une fin. Je m'arrête en chemin. Je m'arrête en chemin. Je m'arrête en chemin.